Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Lisette Oslo. 3, 2, 1. La même A présente. Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Tokyo Mental. Hi. Tare. Bonsoir. Bienvenue aux Dunautes, arpenteuses des émotions sonores, vagabondes des fréquences modulées. Vous écoutez la 35e heure d'une émission qui s'appelle Tokyo Mental. Sur 95.9 MHz, sur Poitiers et ses alentours, et en streaming sur radio-pulsar.org. Je suis le narrateur. J'en parle régulièrement depuis quelques émissions, mais j'essaie de créer une communauté autour de Tokyo Mental. L'idée m'est venue après avoir rencontré des mangaka auto-édités qui sont soutenus par leur propre communauté, ce qui leur permet de se passer d'éditeur et d'éviter de se faire exploiter par la même occasion. Même si je fais l'émission que j'ai toujours eu envie d'entendre à la radio, j'ai aussi envie de la faire pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est une ou un que je ne connais pas forcément. L'objectif donc de monter cette communauté, c'est peut-être... C'est certainement d'ailleurs de donner une réalité à l'émission à travers celles et ceux qui l'écoutent. J'ai connu l'internet des années 90, puis le web et son interactivité. Et oui, je suis vieux. L'intérêt du truc était que les gens se réunissaient librement, par centre d'intérêt, dans des salons, les virtuels ou des forums. Ça pouvait être l'informatique, ça pouvait être la SF, une série, un manga, un animé, un artiste, un univers complet ou n'importe quoi d'autre. Les gens se réunissaient pour échanger, faire partie de quelque chose, passer du temps ensemble, s'amuser en apprenant. C'était stimulant. Et puis, tout ça est passé. Les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, TikTok, Facebook et compagnie, sont apparus. Ce sont des réseaux sociaux toxiques et aliénants qui ont remplacé l'horizontalité des échanges désintéressés du web du départ par la course à la popularité et à la monétisation des contenus. Ils ont aussi créé deux catégories de personnes. Ceux qui fabriquent ces contenus et ceux qui les consomment. Ces plateformes créent sciemment à l'aide des neurosciences du conflit pour générer de l'engagement de la part des utilisateurs. Il en résulte du mal-être. Il en résulte beaucoup de désinformation. Le compte de l'émission existe déjà. Il est sur le réseau social Mastodon, qui est un réseau social libre, décentralisé, sans outils d'espionnage et débarrassé des travers des réseaux sociaux conventionnels. Sur Mastodon, il n'y a pas de virilistes suprémacistes, pas de connards qui font des raids antiféministes et anti-LGBTQ, pas de racistes, de pédocriminels qui s'échangent des photos et des vidéos, pas d'algorithmes qui vous recommandent de suivre les comptes les plus suivis et vous conduisent systématiquement dans les bras des personnes dont les discours sont les plus problématiques. Mastodon, c'est un endroit apaisé, où on ne passe pas son temps libre à liker dès qu'on s'ennuie ou par habitude. Au contraire, on y lit des relations, tout doucement, des relations durables. Des relations qui sont profitables à toutes les parties. Pour l'instant, le compte de l'émission n'est actif que lors de la diffusion de l'émission, comme ce soir. Le reste du temps, j'ai une vie et des journées qui ne font que 24 heures. J'y publie les noms des artistes et des morceaux que je diffuse pendant l'émission en temps réel, ainsi que des liens vers les morceaux en question. Si l'émission vous intéresse, si vous avez envie de participer à son évolution, d'en discuter avec moi et d'autres, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante social.vivaldi.net/ramenup. C'est un serveur hébergé par Vivaldi qui est un moteur de recherche, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte pour avoir accès au contenu du compte. C'est pas comme sur Insta ou sur Twitter. André Gortz disait ceci: seul et digne de foi. Et digne de toi, pardon. Ce qui est bon pour tous, seul mérite d'être produit, ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence, car dans une société sans privilèges, il n'y a pas de pauvres. Ivan Illich disait: l'outil juste répond à trois exigences. Il est générateur d'efficience, sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave, ni maître. Il élargit le rayon d'action personnelle. Mais parce que nous sommes les faiseuses de musique et parce que nous sommes les rêveuses du rêve, cette émission est la nôtre. Bonne émission à toutes. Tokyo Mental. Ja ne, mata itsuka. Bye. C'est toi en plus. Tokyo Mental. Sous-titrage Société Radio-Canada. ダメだ。 Three. 몰라 눈치 좀 보다가 내 이야기 아닌 척하며 슬쩍 떠볼까 나 몰라 몰라 하면서 두 번의 계절이 너와 나의 곁을 지나갔구나 지금 이 순간도 난 네가 보고 싶구만 확실하게 이야기 써 이제 그만 怖くて仕方ないのさ。出会った人は口々に笑って言うけれど、トランポリンがあるからきっと大丈夫。そうやって言い聞かせて安心してるのさ。痛みをアルコールに溶かしながら一晩中音を止めないで、一晩中僕と手をつないで、一晩中音を止めないで、一晩中君を信じさせて。人もいるけれど、今日が救われるならそれでいいじゃない。おどけたピエロの仮面でも騙されて、どうせ死ぬなら笑って痛いでしょ。一晩中音を止めないで、一晩中僕と手をつないで、一晩中音を止めないで、一晩中君を信じさせて。一晩中音を止めないで、一晩中僕と手をつないで、一晩中音を止めないで、一晩中君を信じさせて。 Et voilà, Tokyo Mental est bientôt terminé dans à peu près 4 minutes. C'est comme d'habitude, ça passe super vite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit qui va avec derrière. Quoique pour dormir en ce moment, faut se lever tôt. Et puis, passez une bonne semaine. Faites attention à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 21h, 22h, le vendredi, comme d'hab, pour de nouvelles aventures. Allez, à plus. Yeah.